quatrième moment de cette journée spéciale sur l'antenne de France Culture consacrée à l'année vue par les savoirs. Aujourd'hui, autour des questions sexe et pouvoir, nous allons parler d'anthropologie, de génétique, de paléontologie dans quelques instants avec nos invités. Mais tout de suite, direction le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Bonjour donc à toutes et à tous, et bienvenue dans cet auguste et masculin amphithéâtre comme il vient d'être relevé. Merci d'être venus en tout cas si nombreux à cette table ronde scientifique. Alors je n'apprendrai certainement pas grand chose à la docte assemblée que vous constituez en vous disant que la principale différence, disons, d'ordre physiologique entre la femme et l'homme, c'est un petit bout de truc en plus ou en moins, enfin ça dépend évidemment de l'endroit où on regarde, et ce petit bout de truc, c'est bien sûr un petit bout de chromosome, je ne sais pas à quoi vous pensiez d'autre. Et oui, un 2X ou un X et un Y pour les variantes les plus courantes, et tout change pourtant. Et pourtant, il existe dans la nature d'autres façons de faire. Les lézards, les tortues, par exemple, n'ont pas de chromosomes sexuels différenciés. C'est une première chose. Par ailleurs, et si tout était aussi simple, il suffirait de lire les gènes qui s'expriment sur X en l'absence d'allèles sur Y pour coder la petite ou la grosse voix, la pilosité, la différence de taille, la pomme d'Adam, sans oublier évidemment les parties génitales. Bref, tout ce que l'on inclut dans le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire les traits physiomorphologiques qui distinguent dans une même espèce la femelle du mâle. Mais c'est évidemment bien plus compliqué que cela. La génétique ne fait pas tout. L'épigénétique y est également pour quelque chose. La sélection naturelle, les mécanismes évolutifs et même les habitudes culturelles, si l'on en croit Françoise Héritier, hein, pour qui ce dimorphisme est le résultat d'une pression de sélection imposée dès Néandertal par le mâle qui aurait interdit les nourritures les plus riches aux femelles pour les garder pour eux de façon à avoir le maximum d'énergie pour aller chasser. C'est donc ce vaste problème, vaste en effet, que nous allons tenter d'examiner tout au long de cette heure avec les prestigieux invités qui sont devant vous et que je remercie infiniment d'avoir accepté de participer à ce forum. Bonjour et merci Edith Heard. Bonjour, merci. Vous êtes généticienne, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire épigénétique et mémoire cellulaire et lauréate du Grand Prix de l'INSERM 2017 pour vos travaux en épigénétique. Bonjour et merci Yves Coppens. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le parrain de la méthode scientifique, nous n'en sommes pas peu fiers. Vous êtes évidemment paléo-anthropologue de renom, professeur émérite au Collège de France. Vous venez de publier vos mémoires « Origine de l'homme, origine d'un homme » aux éditions Odile Jacob. Et bonjour et merci Pierre-Henri Gouillon. Bonjour. Biologiste et évolutionniste, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, à AgroParisTech, à l'École Normale Supérieure et à Sciences Po et chercheur à l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité. Peut-être est-il bon pour commencer de faire un petit rappel d'ordre génétique. Edith Heard, il n'y a pas que X et Y dans la vie pour déterminer le sexe et le dimorphisme sexuel. Oui, on peut commencer en parlant des chromosomes sexuels ou les gènes impliqués dans la détermination du sexe. Donc il y a effectivement dans la nature des espèces où on ne trouve même pas de chromosomes sexuels. Il s'agit d'un locus et parfois, le déclenchement de la différence sexuelle peut être environnemental. Ça peut être la température, comme vous avez évoqué certaines reptiles. Et puis, il y a des espèces où on n'a même pas de sexe. Il y a certains lézards, par exemple, où on se reproduit de manière partenogénétique. Donc, c'est que les femelles qui se reproduisent. On n'a même pas besoin d'hommes, voilà, ou de mâles, en tout cas. Mais dans tout ça, effectivement, c'est important de garder en tête qu'au cours de l'évolution, et là je pense que mes collègues vont pouvoir élaborer beaucoup plus que moi, la récombinaison ou la combinaison des jeunes hommes et la variété génétique qui peut provenir de la reproduction sexuelle est très importante. Cette variation qui peut être produite quand un mâle et une femelle se combinent pour produire des nouveaux êtres est importante pour s'adapter à des environnements qui peuvent changer, etc. Donc pour revenir à l'homme et la femme, effectivement, la grande différence, on va dire, de départ au niveau génétique, c'est la présence du chromosome Y et en particulier le gène SRY qui est sur le chromosome Y. C'est la présence de ce gène qui déclenche surtout la différenciation entre les sexes au cours du développement. Et donc, on peut dire, même si c'est pas tout à fait vrai, qu'on est tous des femmes par défaut. Sans un Y, on va développer plutôt comme des femmes. Mais il faut ce petit chromosome Y qui n'a pas grand-chose à part quelques gènes importants pour le développement de la lignée germinale mâle. Et donc, effectivement, il y a une importance pour cette différenciation sexuelle d'avoir un chromosome Y. Mais il y a des mammifères qui ont perdu leur chromosome Y. Et peut-être aussi que ça risque de nous arriver, d'ailleurs on y reviendra tout à l'heure, ce chromosome Y, on le verra, qui est une sorte d'anomalie en termes d'évolution, on y reviendra. Comme le dit Edith Heard, Pierre-Henri Gouillon, c'est vrai que si on regarde en termes d'évolution, finalement, on va souvent parler au cours de cette heure de la dépense énergétique que constituent les traits, un certain trait sexuel secondaire et dans la reproduction. Si on regarde en termes d'évolution, finalement, les mâles sont une sorte d'aberration évolutionniste. Oui, absolument. On pourrait être une population de femelles exclusivement. Les mâles, ça dépense beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Ça s'arrange pas. Pierre-Henri Couillon et Yves Coppens. Juste deux petites remarques d'ailleurs par rapport à votre introduction, hein, Nicolas. Vous avez dit que, premièrement, il y avait un petit truc en plus là chez un par rapport à l'autre. En fait, il faut bien voir que c'est un truc en moins chez les hommes. Hein, c'est-à-dire que le Y, vous voyez, en lettres majuscules, c'est un X à qui manque une branche. Hein. Et le Y, c'est effectivement essentiellement un X très atrophié, avec juste quelques gènes en plus, le SRY en particulier. Mais donc, en réalité, il y a effectivement beaucoup moins de gènes chez un homme que chez une femme. C'est déjà le premier point à dire. Et la deuxième remarque, c'est que vous avez fait toute une liste de différences entre les hommes et les femmes, mais vous avez juste oublié un détail, c'est que c'est les femmes qui font les enfants. Et je pense que c'est un peu important, que ça veut dire quelque chose, que c'est quelque chose... Puisque vous avez cité Françoise Héritier, elle et d'autres anthropologues ont vraiment montré à quel point toutes les sociétés avaient créé des mythes pour essayer de redonner à l'homme la primauté dans la fabrication des enfants. C'est vrai que quand on regarde les choses simplement, et d'après Françoise Héritier, c'était une des premières choses qu'avaient constaté les humains dès qu'ils ont commencé à se projeter dans l'avenir, mais c'est que d'une part, les seuls qui font des enfants, c'est les femmes, et d'autre part, en général, on fabrique des descendants qui nous ressemblent. D'où la question, comment se fait-il que les femmes fassent des fils ? D'où une terreur fondamentale des hommes qu'un jour elles arrêtent. Voilà l'idée qu'a développée Françoise Héritier. Et du coup, eh bien, faut pas les laisser faire ce qu'elles veulent, ces femmes. Sinon, ça risque d'arriver. Et donc, on va les contraindre. Voilà donc une origine possible de la contrainte générale des femmes dans les sociétés humaines. Moi, c'est là-dessus que je l'ai rencontré, parce qu'effectivement, c'est une question que je me pose en tant qu'évolutionniste. Pourquoi les femelles font-elles des mâles ? Pourquoi s'accouplent-elles avec des mâles pour faire des descendants alors qu'elles ont tout ce qu'il faut pour faire des descendants toutes seules? En réalité, du point de vue d'un évolutionniste, un mâle, c'est une sorte de parasite de la femelle. Et ouais, comment vous appelez un organisme qui vous injecte ses gènes pour que vous les reproduisiez sans rien faire lui-même? Et oui, vous l'appelez un parasite ou un mâle selon les cas. Alors. C'est. Comment dire ? La chose extraordinaire pour nous, et vos biologistes, c'est que quand vous attrapez la grippe, bon, vous attrapez un parasite, il se reproduit à cause de, grâce à vous, tant pis pour vous et tant mieux pour lui. Mais quand vous attrapez un mâle, c'est plus compliqué parce que, et c'est là qu'il y a une surprise, d'une certaine façon, les femmes font exprès de se faire parasiter. Vous voyez ce que je veux dire ? Elles ont des organes rien que pour ça. Vous n'avez pas d'organes qui sont faits pour attraper la grippe. Mais les femmes ont des organes qui sont faits pour se faire féconder par les mâles. Et donc, comment l'évolution a-t-elle pu fabriquer chez les femelles un système qui les amène à faire exprès de se faire parasiter? Effectivement, comme l'a déjà dit Edith, il arrive qu'elles arrêtent de faire ça. Et donc, on a des tas d'espèces chez lesquelles les femelles ont arrêté d'accepter les mâles. Elles se débrouillent toutes seules. Elles font des descendants qui sont des clones d'elles-mêmes. Et ça marche plutôt pas mal. On peut penser que ça marche pas très longtemps. C'est-à-dire que ça... Oui, c'est moins drôle aussi. Hein. Voilà. Ah, alors ça... Là, attention, parce que chez les lézards, par exemple, les plus célèbres de ce point de vue-là, les lézards qui s'appellent fouette-queue, c'est pas... Eh bien, il n'y a plus que des femelles. Effectivement, elles sont débarrassées des mâles. Mais elles n'arrivent pas à démarrer l'ovulation sans un accouplement. Et donc, elles s'accouplent entre elles. Donc, c'est tout aussi rigolo. Bon, enfin, c'est pas... Alors, revenons-en, Yves Coppens, peut-être, sur ce sujet du dimorphisme chez le lézard ou chez Homo sapiens. Oui, je voulais ajouter un mot sur le lézard. En plus, comme tu sais, quand on leur coupe la queue, elles repoussent. Voilà, on est parti pour 45 minutes de sous-entendu, plus ou moins inspirant. On va en venir, c'est intéressant chez les primates, chez les homininés, pour arriver jusqu'à Homo sapiens. On va commencer encore peut-être un peu par poser tout de même la question de ce qui fait le dimorphisme sexuel. Pourquoi finalement y a-t-il besoin, quand il y a deux genres, mâle et femelle, deux sexes, de différence entre le mâle et la femelle? Et puis, en bout de course, pourquoi chez l'homme, c'est l'homme qui est plus gros, plus fort que la femelle, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres types d'espèces? Pierre-Henri Gouillon et Edith Heard. Alors, primo, il n'y a pas besoin d'un dimorphisme sexuel. Il se produit souvent, mais pas toujours. Il existe des tas d'espèces dans lesquelles il n'y a pas de dimorphisme. D'ailleurs, je vous défie de reconnaître un mâle d'une femelle chez un chat, par exemple, hein, juste en le regardant. Donc, il y en a plein d'espèces qu'on connaît chez lesquelles le dimorphisme est très limité. Deuxièmement, en termes de taille, eh bien, tout existe, c'est-à-dire des espèces chez lesquelles les femelles sont plus grandes que les mâles. C'est le cas, par exemple, chez beaucoup de poissons. Au fond, c'est logique. Comme la femelle doit faire les petits, il est assez logique qu'elle soit plus grosse que le mâle qui fait juste des spermatozoïdes minuscules. Ça n'a aucun sens. Il y a même, chez certains poissons des profondeurs, le mâle est un... Vous voyez, si la femelle fait 50 cm de long, le mâle, il fait 3 cm. Il vient se coller sur la femelle, il fusionne avec elle, il se nourrit à travers elle et il envoie ses spermatozoïdes tout le temps, comme ça, ça marche. Donc vous voyez qu'il existe des dimorphismes tout à fait dans l'autre sens. Et d'ailleurs, je veux vous dire que le plus gros mammifère de la planète est une femelle, puisque chez les baleines bleues, les femelles sont plus grandes que les mâles et que les baleines bleues étant les plus gros mammifères, eh bien, la plus grosse mammifère de la planète est une femelle. Voilà. Alors, pourquoi il y a des dimorphismes? Il y a plein de raisons, mais il y en a un qui est très courant et qui a été montré par Darwin, c'est le fait que il y a une compétition entre les mâles pour obtenir les faveurs des femelles avec deux grandes méthodes. L'une, c'est de se battre. Et dans ces cas-là, ça va faire des mâles plus gros parce que la sélection est forte sur les mâles pour être plus fort pour obtenir les femelles. Et l'autre solution, ça, c'est quand c'est les mâles qui se battent pour obtenir les femelles. Quand c'est les femelles qui choisissent, malheureusement, c'est pas le cas chez nous, le résultat, c'est que du coup, les mâles sont plus beaux que les femelles. Ça, c'est discutable. C'est-à-dire que chez beaucoup d'oiseaux, par exemple, les canards, etc., les femelles ont des plumages relativement ternes qui leur permettent de se cacher vis-à-vis des prédateurs. Et puis les mâles ont un plumage brillant, la queue du paon, hein, c'est très beau, évidemment. C'est ridicule si on veut se sauver quand un prédateur arrive. Hein, mais pour plaire aux femelles, il faut ça, et dans ce cas-là, tant pis. Hein. Donc on voit que c'est des deux grands modes. Et chez la les taille humains, et l'ornementation qui sont les deux grands variants de dimorphisme. Voilà. Edith Heard, peut-être qu'on peut redire aussi tout de même que ce qui est intéressant, c'est que dire un mot de la variance du succès reproductif, c'est-à-dire que chez la femelle, il y a, quel que soit le nombre de partenaires, elle aura de toute façon un nombre d'enfants, de descendants limité, alors que chez l'homme, il peut avoir un nombre de descendants illimité. Il y a donc d'une part la femelle qui, elle, va choisir qualitativement, tandis que le mâle va choisir quantitativement. Oui, il y a cet aspect, mais ça dépend aussi des espèces. Mais puis par rapport à cette question de dimorphisme sexuel, je pense que là je suis pas la spécialiste, mais par exemple parmi les primates et parmi les singes, les singes pour lesquels les femmes, enfin les femelles sont plutôt monogames, il y a beaucoup moins de différences de taille entre les mâles et les femelles que ceux où il y a la polygamie. Mais au niveau de cet avantage de la reproduction sexuelle, je pense que le point le plus important, c'est quand même cette capacité de vraiment générer des nouvelles combinaisons et des nouvelles variations génétiques dans la progéniture. Et si on revient sur le cas des mammifères comme nous, placentaires, où il y a donc chez les femmes deux chromosomes X et chez mâles un X et un Y, la présence de deux chromosomes X chez les femelles peut aussi donner beaucoup plus de variété ou variation dans l'expression des gènes sur le X. On a deux copies par rapport à une copie. Et ça peut avoir un impact, on le sait maintenant, sur certains aspects du système immunitaire. Par exemple, les femmes sont plus fortes en défense aux infections, mais ont une tendance beaucoup plus importante à des maladies auto-immunes. Donc nous savons qu'effectivement, cette différence de chromosomes sexuels peut avoir un avantage pour se reproduire, pour la variété et l'évolution de l'espèce, mais peut avoir un impact aussi sur les individus et leur manière de se comporter face à leur niche écologique, on va voir. Yves Coppens. Je voulais vous raconter quelque chose de simple. Il y a des préhumains avant des humains, ça c'est simple. Hein. Et les préhumains et les humains descendent d'ancêtres communs, chimpanzés et hommes. Chimpanzés et paninés, ça s'appelle des paninés et des homininés. Donc on part de 10 millions d'années, j'interrogerai rien tout à l'heure. 10 millions d'années en Afrique tropicale, il y a un coup de sec. Mais un coup de sec qui va découvrir un peu la forêt, mais la découvrir un peu seulement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'entre 10 millions d'années et 3 millions d'années, il y a deux phases, facile à comprendre, hein, facile à suivre, deux phases, une longue qui va de 10 millions à 4 millions et une courte qui va de 4 millions à 3 millions d'années. Et bien dans la longue de 10 millions d'années à 4 millions d'années, les préhumains que l'on découvre sont peu nombreux, mais on a quand même suffisamment d'éléments pour savoir que le dimorphisme sexuel, voilà là où je me raccroche à mes collègues, le dimorphisme sexuel n'est pas très important. Et il n'est pas très important, c'est un peu le type gibbon, probablement parce que ces animaux, ces êtres, pas animaux, ces êtres, sont déjà des préhumains, sont monogames, et puis aussi parce qu'ils sont encore, même si la forêt est claire, abrité par la forêt. Donc il y a l'abri de la forêt qui fait qu'ils ne sont moins vulnérables, qu'ils sont moins vulnérables que ceux qui vont suivre. Or, ce qui est fantastique, c'est que à partir de 4 millions d'années, jusqu'à 3 et au-delà, mais au-delà c'est une autre histoire, le dimorphisme sexuel devient extrêmement important. C'est là que se situe Lucie. Lucie est non seulement une femelle, mais une petite femelle. On a aujourd'hui suffisamment d'éléments pour savoir ce que sont les mâles. Et les mâles sont gros, sont importants, sont puissants. Et on fait évidemment de l'actualisme, c'est-à-dire qu'on projette ce que l'on sait aujourd'hui sur ce que l'on ne sait pas dans le passé. Et c'est pour ça qu'on projette l'histoire, le modèle des gibbons sur la première partie et le modèle des babouins sur la deuxième partie. Et les babouins, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des bêtes qui vivent en paysage découvert. Comme ils vivent en paysage découvert, les femelles et les petits sont protégés par des mâles plus gros, avec des grosses canines, des fortes canines. Un petit peu pour la sélection entre mâles dont a parlé Pierre-Henri, mais aussi parce qu'ils protègent. Ils protègent, ce sont des protecteurs. Ils protègent le troupeau des femelles et des petits. Et ce sont des bêtes qui vivent en grosse, grande société. Donc c'est très intéressant de voir succession d'un dimorphisme faible, un dimorphisme fort, avec un milieu encore un peu couvert et un milieu beaucoup plus découvert. Et quand c'est beaucoup plus découvert, on est beaucoup plus vulnérable. Quand on est beaucoup plus vulnérable, il vaut mieux se protéger de la dent du prédateur. Un mot justement, peut-être Yves Coppens, on va parler justement des homininés, du rapport et des différences entre les différents homininés, les primates et nous. Il y a effectivement, comme vous venez de le dire, une grande différence. Hein. Il y a certains primates où il n'y a quasiment aucun dimorphisme, comme les strepsiriniens, je parle sous votre contrôle, hein, les muriens, les loris qui sont quasiment idiotiques, et d'autres primates, comme chez le gorille, où les gorilles mâles peuvent faire jusqu'à deux fois la taille de la femelle. Finalement, où se situerait Homo sapiens dans cet éventail-là ? Est-ce que finalement le dimorphisme d'Homo sapiens, du nôtre, est un dimorphisme assez limité si on s'en tient à notre ossature, à notre squelette ? À part le bassin, on a du mal à distinguer un squelette d'homme d'un squelette de femme. Vous, peut-être. Moi, ça va. Oui, mais vous avez raison, les strepsiriniens, il est savant, hein, les strepsiriniens, ce sont des adapiformes, vous ne m'aurez pas. Hein. Ah bah, ça, je ne prétends pas essayer. Hein. Et les lémuriformes, et en effet, ceux-là n'ont pas grand dimorphisme. Et au contraire, il y a un grand dimorphisme chez les gorilles. Vous m'embêtez parce que les gorilles, c'est justement l'exception de ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire que bien qu'en forêt, ils ont ce dimorphisme. Ce n'est pas énorme, hein, ce n'est pas considérable par rapport à d'autres bêtes comme les babouins dont je parlais tout à l'heure. Ceci étant dit, l'homme est en effet entre les deux. Et pourquoi est-il entre les deux ? Peut-être parce que la lutte entre mâles n'est pas tout à fait la même, peut-être parce que la culture a apporté un autre élément, peut-être que la vie en société, enfin tous les primates sont sociaux, hein, mais la vie dans une société organisée d'une autre manière apporte un autre équilibre, la preuve, entre hommes et femmes. C'est un grand sujet aujourd'hui, c'est un sujet important. Et donc ce dimorphisme est moins important. Ceci étant dit, il demeure, et je vais vous dire une chose abominable, les anthropologues constatent que la taille des canines, comme les babouins, la taille des canines chez les mâles, chez les hommes, chez les humains mâles, est un petit peu plus forte que la taille des canines des femmes. Un mot peut-être aussi, Edith Heard ou Pierre-Henri Gouillon, sur cette évolution, puisque Yves Coppens vient parler d'une composante culturelle. Je citais dans cette introduction de cette émission, et Pierre-Henri Gouillon, vous en parliez tout à l'heure, les thèses de Françoise Héritier. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a eu dans l'évolution d'Homo sapiens, dans l'évolution du genre homo, une composante culturelle qui, sortie de la pression évolutive dont on parlait tout à l'heure pour le dimorphisme, c'est-à-dire la nécessité de compétition intra- et intersexuelle entre les mâles pour être le plus fort et la sélection par les femelles qui choisissent le plus fort pour la descendance, en dehors de cette pression évolutive-là, il y aurait eu une composante culturelle qui fait qu'effectivement, les femelles, au bout d'un moment, homo, erectus, sapiens, peu importe, vous allez me dire votre avis là-dessus, auraient moins eu accès à de la nourriture, pas de la nourriture aussi chargée en protéines, en éléments nutritifs forts, et que ça aurait du coup eu une influence sur le développement et sur l'accentuation de ce dimorphisme. Edith Heard, qu'en pensez-vous ? Et Pierre-Henri Gouillon. Moi, je pense que les échelles de temps sont vraiment pas compatibles. On a, pour l'évolution, on va dire, du génome et de la séquence de l'ADN qui va faire qu'il y a des développements différents, l'échelle de temps n'est absolument pas valable. Enfin, je pense que vous pouvez mieux répondre sur ça. Par contre, je suis absolument convaincue que l'évolution culturelle peut aller beaucoup plus vite et peut avoir une influence sur la manière que les dimorphismes sexuels, soi-disant de comportement et autres, peuvent changer. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a des changements. Par exemple, la manière que nous sommes nourris, ça, c'est quelque chose de culturel. On n'a qu'à regarder la taille moyenne des gens, pas des femmes ou des hommes, mais de tout le monde, dans certains pays où le lait est donné pendant une période beaucoup plus importante au cours de la croissance de l'enfant. Là, on voit que la taille moyenne de l'humain a vraiment grandi. Donc, je pense que c'est pas une évolution dans le sens, on va dire, génomique, mais une évolution culturelle qui peut beaucoup changer. Et par ailleurs, je pense que aussi l'attitude des hommes par rapport aux femmes et vice-versa peut changer très vite aussi. On n'a qu'à regarder le mouvement MeToo pour voir à quel point on peut basculer très vite dans des comportements et des appréciations très différentes. Pierre-Henri Gouillon. Alors, on vient d'aborder énormément de choses là. Je pense qu'il va falloir clarifier. Premièrement, les dimorphismes sexuels, c'est toutes les différences qu'on trouve entre les hommes et les femmes. Par exemple, en gros, en moyenne, très nettement, les femmes ont les cheveux plus longs que les hommes. Évidemment que cette différence fait partie du dimorphisme sexuel, mais qu'elle est très très directement fonction du milieu culturel dans lequel on se trouve, et que dans d'autres milieux, les mêmes différences sexuelles donneront des différences autres. D'ailleurs, même quand j'étais jeune, moi, croyez-le ou pas, mais on avait des cheveux très longs. Voilà. Donc ça, c'est un premier point, effectivement. Culturellement, vous pouvez changer des tas de trucs et vous pouvez imaginer tout changer. On m'a déjà dit, mais enfin, même, il n'existe aucun milieu dans lequel les hommes courraient moins vite que les femmes. C'est pas vrai. Si vous fabriquez une culture dans laquelle les garçons n'ont pas le droit de sortir du lit avant l'âge de 15 ans, pendant que vous faites faire du sport à fond aux filles, eh ben, les filles courront plus vite que les hommes. Donc, on peut changer tout culturellement. Ça, c'est un premier point. Bon. Un aspect particulier du dimorphisme, c'est le dimorphisme de taille. Et là, il se trouve que le travail d'une collaboratrice de Françoise Héritier, qui s'appelle Priscille Touraille, a été intéressant parce que elle a mélangé les deux, justement. Donc, c'est à la fois du culturel et du biologique. La question est la suivante. Comment se fait-il que les femmes restent si petites? Au fond, la question n'est pas tellement de savoir pourquoi les hommes sont grands. Bon, ben voilà, c'est intéressant pour se bagarrer, pour tout ce qu'on voudra. Seulement pour les femmes aussi, ça serait intéressant d'être plus grandes. Pourquoi? Parce que les humains ont une grosse tête, ça c'est une particularité de notre espèce, alors pour le coup, et que du coup, la naissance est un moment difficile. Or, on a pu montrer que jusqu'à une époque récente dans nos sociétés, les morts en couche étaient très très largement augmentées par la petite taille des femmes. C'est-à-dire que les femmes petites meurent plus en couche que les femmes grandes. Donc ça aurait dû sélectionner pour des femmes plus grandes. Qu'est-ce qui a empêché que cette sélection fonctionne? C'est ça la question que s'est posée Priscille Touraille. Donc, c'est pas la question de savoir pourquoi les hommes sont plus grands que les femmes, mais pourquoi les femmes n'ont pas augmenté leur taille, étant donné qu'il existe cette pression de sélection. Et il n'y a que deux réponses qui tiennent la route. L'une, c'est effectivement que dans toutes les sociétés, les hommes ont eu tendance à conserver les nourritures riches, pas la nourriture en général, mais les protéines, les choses qui permettent de croître. Eh bien, ces parties-là de la nourriture ont été capturés par les hommes et souvent pas laissés aux femmes. Ça, c'est le premier point. La deuxième hypothèse qui reste, ça, c'est la première, c'est celle qu'a développée Priscille Touraille au départ, et ensuite, elle en a rajouté une deuxième, et je pense que c'est les deux seules qui tiennent la route. La deuxième, c'est simplement que les hommes choisissent des femmes plus petites qu'eux, et du coup, les femmes plus grandes ont plus de mal à trouver des partenaires, et ça, c'est vérifié aussi, je peux vous dire, statistiquement, hein. Et la raison, bah, c'est simplement que les hommes ont envie de garder le pouvoir dans le foyer, bien entendu. Donc, mais le résultat, c'est que ça crée une sélection pour des femmes plus petites. Alors, que, parmi ces deux hypothèses, d'ailleurs, sont complémentaires, mais effectivement, on peut imaginer que des... Vous voyez que là, c'est pas seulement le social qui change la différence entre les hommes et les femmes, c'est le social qui change les conditions biologiques de sélection, et du coup, le social crée les conditions d'une sélection différentielle entre les hommes et les femmes. Yves Copin, ce que dit justement l'étude des homininés à ce propos et leur organisation sociale, ou en tout cas ce que l'on peut en déduire? Par exemple, vous parliez évidemment de Lucie tout à l'heure et du fait qu'il était aujourd'hui incontestable que Lucie soit une femelle. Or, pendant, on a douté à un moment donné parce qu'on s'est dit quels sont les deux éléments, c'est la gracilité et la taille du bassin. Or, Lucie, c'est les australopithèques font un peu plus d'un mètre difficilement, et compte tenu du volume crânien qui est de moins de 500 cm3, le bassin n'a pas besoin d'être extrêmement plus large pour précisément pouvoir accoucher. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui à 100% que Lucie n'est pas Lucien? Oui, c'est pire que ça. J'ai un collègue suisse qui s'était attaqué à ce problème. Il a fait un très joli article d'ailleurs, excellent article. Il s'appelait Schmitt. Et le mâle de Lucie, il l'appelait Lucifer. Pas gentil, hein? Donc, c'est vrai qu'à l'origine, on s'est appuyé, c'est toujours les mêmes choses, toujours la même histoire d'actualisme, sur le fait que si Lucie était une humaine d'aujourd'hui, son bassin ressemble plus à un bassin de femme qu'à un bassin d'homme. Et on est parti là-dessus, et puis au lieu de trouver 52 morceaux comme ceux de Lucie, on en avait déjà trouvé d'ailleurs l'année précédente, on en a trouvé d'autres les années suivantes, les fouilles ont été reprises à partir de 90, on en a ajouté encore d'autres, donc on en a plusieurs centaines aujourd'hui. Et sur la plusieurs centaines, on a les deux courbes de Gauss classiques qui se croisent, c'est-à-dire qu'on a des petits mâles et des grands mâles, et puis des mâles moyens, et puis on a des femelles moyennes, des petites femelles, et puis des femelles moyennes. Or, il se trouve que dans ces deux courbes populationnelles, quand on a une population, on peut mieux juger, hein, Lucie est incontestablement une femelle, c'est même une petite femelle, alors qu'il y a des mâles qui, au lieu d'un mètre 10, font un mètre 50, quoi. Donc c'est bien différent, bien différencié, et on peut pas dire, on peut jamais dire en science qu'il n'y a pas de doute, mais on peut dire que tout a l'air de se passer comme si Lucie était vraiment Lucie et pas ni Lucien ni Lucifer. Donc voilà. Alors je voulais ajouter autre chose. Évidemment, en paléontologie, pour le moment, paléontologie humaine, pour le moment, on ne peut pas dire grand-chose. On projette des idées simplement. Par exemple, le fait qu'entre Lucie, préhumaine, on y était là tout à l'heure, hein, on était à 3 millions d'années tout à l'heure, et puis l'humain, il y a un changement climatique. Un changement climatique qui a sûrement un rôle dans l'émergence de l'humain, l'émergence de l'humain en général. Et au point que, moi j'ai travaillé là-dessus, et cette limite de 3 millions d'années, c'est le moment de l'englacement de l'Arctique, et l'englacement de l'Arctique entraîne de la sécheresse au tropique, et la sécheresse au tropique entraîne une obligation pour toute la faune de se transformer pour survivre. Il y en a qui ratent, comme les mastodontes, il y en a qui réussissent, comme la plupart des autres vertébrés, mammifères, dont les humains. Et les humains réussissent par quels moyens, si on peut dire, mais c'est de la sélection naturelle, hein, banale, par le changement de la respiration, le larynx descend, par le changement des dents, n'ayant plus assez de végétaux, ils mangent de la viande, et le changement de la tête, le cerveau devient plus important, plus plissé, plus riche, plus irrigué, etc. Donc trois éléments. Et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? On dit que se trouvant dans un milieu très découvert, où la viande est devenue une part du menu, comme la viande est devenue une part du menu, la viande, il faut la chasser, comme d'autre part, mais c'est purement spéculatif, comme d'autre part, la femme a les enfants dans le ventre, ou les enfants sur le dos, ou les enfants avec elle, on pense que c'est le début d'une certaine sélection sexuelle du travail. C'est-à-dire que la femme cueille plus volontiers ce qui reste d'alimentation végétale, végétarienne, alors que l'homme chasse plus volontiers. Aucune preuve. Et ces thèses-là, elles commencent à être un peu battues en brèche parce qu'on a trouvé assez récemment, et je parle sous votre contrôle, des sépultures de squelettes féminins enterrés avec des armes. Oui, mais moi je vous parle de 3 millions d'années, vous me parlez de quoi là? 100 000 ans quand même. Ah oui, ça, j'ai avancé un peu. avancé un petit peu. Plus sérieusement, sur cette. Vous pensez que c'est, pour le moment c'est purement spéculatif, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien qui peut attester de cette division, de cette subdivision du travail qui aurait exercé un peu plus de pression sélective. C'est une histoire logique, mais on n'a pas les moyens de la prouver. Ce qui est extrêmement intéressant sur le plan social, sociétal, c'est que à ce moment-là, les hommes, les humains vivent sur des territoires, se déplacent bien sûr, ils sont nomades pour des questions opportunistes, hein. Et comme ils ont des terrains, des endroits où ils se stabilisent, et que c'est là que l'on trouve les quantités d'ossements des animaux chassés, tués, rapportés, on trouve en effet que les gibiers sont rapportés, c'est-à-dire que les gibiers sont partagés. Et ça, c'est intéressant. Alors, pour venir à votre idée, mais ça, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des sépultures, et c'est un moyen de voir comment les sexes sont traités, on trouve, ce qui est agréable, un traitement pratiquement identique, quoi. Quand on dit, à partir de 100 000 ans, l'homme enterre ses morts, c'est pas vrai. À partir de 100 000 ans, l'homme enterre certains de ses morts. Certains. Puisque d'autres, quelquefois, ils les mangent. Alors, vous voyez, c'est pire. Et il enterre certains de ses morts. Et c'est très intéressant, parce que dans notre mentalité d'aujourd'hui, on se dit, il enterre sûrement les chefs. Hein, on a une société hiérarchisée. En fait, on n'en sait rien, d'abord. Et quand on ouvre ces sépultures, on trouve soit des hommes, des mâles, soit des femmes et des enfants, soit des couples et des enfants. Et on trouve quelquefois, ce qui est encore mieux... Mais pas d'hommes et des enfants. Que je sache, non, mais je regarderai plus près, oui. Et par contre, on trouve aussi, ce qui est très intéressant sur le plan de la compassion, on trouve beaucoup de tombes, je dis bien, 100 000 ans, ou un peu moins, ou un petit peu plus, ça va jusqu'à 140 000, on trouve beaucoup de tombes avec des gens qui ont subi soit des maladies, soit des traumatismes, soit des problèmes qui ont fait qu'ils ont survécu malgré quelques difficultés. Autrement dit, on pourrait dire de manière un peu rapide, un peu grossière, que sont enterrés de manière préférentielle, à 25%, au moins un quart, les gens qui ont subi des problèmes dans leur existence. Pierre-Henri Gouillon, Edith Heard, sur ce que vient de dire Yves Coppens, sur cette théorie de François Héritier, sur l'organisation sociale du travail qui aurait pu fonctionner comme une forme de pression évolutive. Pierre-Henri Gouillon, Edith Heard. Moi, je pense que je pense qu'effectivement, il nous reste pas mal de choses à découvrir, mais ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui croient que notre société, parce qu'elle protège les gens contre les maladies, etc., a supprimé la sélection. En réalité, les sociétés ne suppriment pas la sélection, elles en changent les règles. C'est-à-dire que si jamais vous nourrissez pas de la même façon les hommes et les femmes, vous changez les règles de la sélection par rapport à ce qui se passerait s'il n'y avait pas ce genre de choses. Et ça, si on veut le comprendre, eh ben il faut coopérer entre des gens qui font de l'anthropologie, de la paléoanthropologie, de la génétique. Et c'est seulement une démarche pluridisciplinaire qui permet de voir ça, parce que il y a des éléments de génétique, des éléments d'anthropologie. C'est d'autant plus difficile que c'est des sciences qui ont du mal à se parler. La génétique a été très mal vue par les sciences humaines pendant très longtemps. C'est vrai que la génétique a servi de base à l'eugénisme et voire même au nazisme. Et il y a eu toute une période dont je me souviens très bien où dès qu'on osait dire qu'il y avait des gènes qui pouvaient avoir des influences chez les humains, on était carrément catalogué crypto-nazi par la plupart de nos collègues des sciences humaines. Alors heureusement, c'est de moins en moins le cas. Mais d'ailleurs, du coup, ça a créé une réaction en retour. Il y a toute une série de généticiens qui considèrent que les gens qui font des sciences humaines ne sont pas des vrais scientifiques. Et donc, on a une vraie difficulté structurelle à monter des recherches comme ça. Et du coup, par exemple, quand quelqu'un comme Brice Letouraille propose ce genre d'hypothèse, il y a une volée de bois vert qui vient de la part de généticiens patentés qui n'ont pas du tout étudié la question et qui considèrent que comme c'est une anthropologue, ça ne peut pas être sérieux. Et ça, c'est un peu pénible. Edith Heard. Ouais, je pense que je suis assez d'accord. Et puis, c'est des questions extrêmement complexes. Parlons comme scientifique, on n'a vraiment pas tous les éléments pour pouvoir déduire quelle pression culturelle, fonctionnelle ou autre fait qu'il y a des différences de taille ou autre chose. Donc en fait, je pense qu'effectivement, c'est des questions passionnantes et il faut un dialogue entre les anthropologues, les généticiens, les historiens. Et je pense que les contributions, par exemple, de Françoise Héritier étaient extrêmement intéressantes et importantes pour stimuler ce type de débat. Et nous ne venons que commencer parce que nous commençons maintenant à comprendre un petit peu les gènes impliqués sur certains types de comportements ou sur la physiologie de la femme, sur la manière qu'une grossesse va se passer. Donc les contraintes au cours de l'histoire sont tellement complexes, je pense que c'est difficile. Alors c'est pour ça que moi particulièrement, je travaille pas sur l'homme, mais plutôt sur les modèles murins et autres, où là on peut essayer de distinguer l'influence culturelle, environnementale, de l'influence génétique sur la manière que les animaux se reproduisent, les différences phénotypiques entre eux. C'est extrêmement difficile avec l'homme. Voilà, ça c'est ma conclusion. Oui, juste un petit mot, il n'y a pas que la différence de taille comme dimorphisme sexuel. Et quand vous avez commencé, vous avez d'ailleurs parlé du fait d'avoir des poils ou pas. C'est intéressant parce que le dimorphisme sur les poils, c'est une minorité d'humains. Il y a beaucoup de populations humaines dans lesquelles il n'y a pas de différence de pilosité quasiment entre les hommes et les femmes. Donc on a une vision aussi, encore une fois, très occidentale de toutes ces questions. Et si on essaie de regarder l'échelle de l'ensemble de l'humanité, on découvre un autre paysage. Il y a d'ailleurs des gens qui ont sorti l'hypothèse, je ne sais pas si elle tient encore, mais que c'est que l'histoire de la différence de pilosité, ça venait du Néandertal. Parce que c'est justement les populations qui ont été exposées au croisement avec les Néandertals qui ont une différence de pilosité entre hommes et femmes. Donc si ça se trouve, voilà, le fait qu'on soit fier d'être poilu, nous, ça veut dire qu'on est juste plus près de Néandertal que de Sapiens. Quoi. Ça veut dire qu'on a entre 2 et 4% de patrimoine génétique de Néandertal. Une opinion, Yves Coppens, sur cet exemple ténue de la pilosité de Néandertal ? Oui. Moi, ce que je pense, mais je pense mal, c'est que la division depuis l'inné, cette division superbe de la hiérarchie zoologique, du classement, de la systématique, elle est belle, elle est commode, et si on la supprime, on sera bien embarrassé, donc on la garde. Mais l'histoire des genres, des espèces, des sous-espèces, etc., c'est presque un petit peu artificiel. C'est-à-dire que les limites sont quand même poreuses. Et d'autre part, dans une certaine mesure, je pense aussi que, toujours, l'histoire culturelle, l'apparition de l'environnement culturel, a vraiment un effet de retour, de feedback, comme on dit en français. Merci. Sur l'évolution naturelle. Et en ce sens, je me demande si les espèces successives d'humains ne sont pas une sorte de manière agréable pour nous, paléo-anthropologues, de classer les choses, parce qu'on adore classer en sciences naturelles, en sciences de la vie et de la terre, on adore classer, on adore ranger. Or, n'est pas une manière un peu facile de mettre les gens dans des tiroirs, alors qu'il y a plein de trous dans les tiroirs, quoi. Ce qui veut dire que entre les espèces dites, les dites espèces successives d'humains, il y a peut-être au moment de leur mutation, de leur transformation, des hybridations, des interfécondités possibles, et donc que l'interfécondité légère, quand même, légère mais intéressante, entre Néandertal et Homo sapiens, et maintenant joliment prouvé par la génétique, la paléogénétique. Et en ce sens, à la limite, ne m'étonne pas, quoi. Mais c'est tout. Moi, je ne suis pas compétent. Mais je pense que d'autres types d'échanges, d'hybridation ont dû se faire, et qu'on en aura la preuve un jour ou l'autre. On va avancer un peu, sortir doucement de la préhistoire pour arriver jusqu'à aujourd'hui. On l'a dit, hein, le Lucie, les Australopithecus afarensis, il y a un grand dimorphisme. On a tendance à voir que le dimorphisme se réduit progressivement jusqu'à Sapiens. Ce qui m'amène à vous demander, Edith Heard, est-ce qu'aujourd'hui on a une échelle de temps suffisante pour se dire que petit à petit, compte tenu de la modification du mode de vie de Sapiens, on arrive vers une forme de nivellement de ce dimorphisme, c'est-à-dire des caractères sexuels secondaires, évidemment pas primaires, ou c'est trop tôt pour le dire, c'est difficile. Oui, je pense que, enfin, il y a quand même un dimorphisme sexuel. Hein, on n'a même pas évoqué le mot hormone, mais clairement, il y a des différences entre ceux de sexe masculin et ceux de sexe féminin. Donc, il y a un dimorphisme sexuel. Alors, est-ce que on est en train d'estomper ces différences? Je pense que, puisqu'on ne connaît pas forcément les sources souvent, et comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent il y a finalement des sources plus culturelles qu'autre chose. Mais au niveau de nos corps, je pense que ces dimorphismes vont pas s'estomper tout de suite. Mais on commence à les observer parce que, par exemple, on vit beaucoup plus longtemps. Il y a quelques centaines d'années, on était mort à 30, 40 ans. On pouvait pas imaginer de regarder, observer le fait que les femmes vivent en moyenne beaucoup plus longtemps que les hommes, plus longtemps. Donc pourquoi ? Quelles sont les raisons de ce dimorphisme sexuel alors qu'il s'agit d'une phase de la vie où on se reproduit plus ? Donc pourquoi cette prolongation de vie ? Et là, je reviens sur cette histoire de questions complexes. Et il y a donc bien sûr des gènes sur les chromosomes sexuels qui déclenchent aussi les différences hormonales que nous avons, mais qui peuvent aussi contribuer à cette différence génétique entre hommes et femmes. Comme l'a dit Pierre-Henri tout à l'heure, les hommes, ils ont moins de gènes que les femmes. Et en plus, la présence de deux chromosomes X, qui sont deux grands chromosomes, et il y en a un des deux qui est exprimé en général chez les femmes, il y a cette processus épigénétique qui est l'inactivation du X, nous réalisons de plus en plus que les femmes, non seulement sont des mosaïques, mais entre femmes, il y a des différences d'expression de gènes liées aux chromosomes X. Et ça, ça peut donner des différences qu'on n'a même pas réalisées jusqu'à récemment d'expression génique dans le système immunitaire, dans le cerveau, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de différences qu'on n'a même pas réalisées encore. On peut peut-être justement préciser ça parce que c'est intéressant. Effectivement, sur les deux chromosomes X chez la femme, il faut qu'il y ait l'un des deux chromosomes qui soit désactif, alors pas totalement, en partie, parce que sinon ça produit trop de protéines, ce serait de l'auto-intoxication en quelque sorte. Oui. Vous pouvez nous expliquer ça, c'est passionnant. Comme l'a dit Pierre-Henri au départ, les chromosomes sexuels, en fait, le Y, c'est un chromosome X dégénéré, en fait. Au départ, il y avait deux chromosomes identiques, c'était comme les autres chromosomes, un couple. Et petit à petit, avec l'évolution de ce chromosome Y qui porte les gènes clés pour la masculinité, le chromosome X est resté intact, mais avec beaucoup de gènes et de tailles très différentes du Y. Donc, ce déséquilibre d'avoir deux X chez les femmes et un X chez l'homme a demandé un processus de compensation. Et dans différents organismes, ça se passe différemment. Mais en tout cas, chez nous, chez les mammifères, c'est un des deux X qui est inactivé au cours du développement chez les femmes. Mais pas le même dans toutes les cellules. Hein. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est une mosaïque sur tout le corps. Non, mais c'est. Voilà. Et alors, autre question, ce fameux Y dégénéré, comment se fait-il, en termes de génétique, c'est une aberration qu'il se maintienne? Comment se fait-il qu'il n'ait pas tout simplement quasiment disparu, en fait? Dans certains mammifères, c'est disparu. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est ces espèces, ils ont quand même des mâles. Donc l'idée, c'est que le Y disparaît, mais ailleurs dans le génome apparaît un gène qui va déterminer le sexe masculin, donc un autre facteur qui va pouvoir faire cette différence sexuelle. Mais non, c'est pas du tout une aberration, c'est une conséquence de la manière que les chromosomes sexuels ont évolué pour garder, pour maintenir le locus qui est essentiel pour déterminer le sexe mâle. Dans le cas de l'homme, c'est SRY. En fait, le reste du chromosome est un peu dégénère autour. Il faut empêcher la recombinaison avec le X pour pouvoir maintenir justement ce locus un peu unique. Mais la conséquence, c'est que effectivement, ça peut disparaître. Et donc, il y a Jenny Graves, qui est une grande généticienne en Australie, a prévu que le Y chez l'homme pourrait disparaître dans 1 ou 2 millions d'années. Alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Bien sûr, c'est souvent les hommes qui ne sont pas d'accord. Pierre-Henri Bouillon n'a pas l'air très d'accord, hein, pour le coup. Alors, mais c'est le calcul de base. C'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je trouve que les gens qui font des prévisions à 1 million d'années manquent beaucoup de courage parce qu'évidemment... On sera certainement plus là, oui. Pierre-Henri Gouillon, sur cette question de modification du dimorphisme et de la génétique aujourd'hui. Alors, je pense que le problème, c'est que... Bon, là, on ne va pas avoir le temps d'aller dans le détail, hein, mais on comprend très très mal la génétique. On a encore un peu de temps. Hein, mais... Le problème, c'est que quand on dit qu'un gène détermine quelque chose, il faut bien comprendre que ce qu'on veut dire, c'est que les variations de ce gène déterminent les variations qu'on regarde. C'est-à-dire que c'est pas un gène qui détermine un truc comme ça qui bouge pas, mais donc si par exemple quand on dit que le gène est déterminé par des chromosomes sexuels, ce qu'on veut dire, c'est que le sexe est déterminé par les chromosomes sexuels. On veut dire que, eh bien, selon quel chromosome sexuel vous avez un sexe ou un autre. Quand on dit que le sexe est déterminé par la température, ça veut dire qu'effectivement, chez certains reptiles, par exemple, eh bien, la température d'incubation des œufs va faire qu'on fait un mâle ou une femelle. Mais évidemment qu'il y a des gènes derrière. Il y a des gènes qui produisent des protéines qu'on dit thermosensibles et qui vont réagir différemment en fonction de la température. Donc, évidemment que chez ces reptiles, les gènes jouent un rôle dans la détermination du sexe, sauf que le rôle qu'ils jouent, c'est de fabriquer une protéine qui, selon la température, fera un mâle ou une femelle. Donc, vous voyez, le dimorphisme sexuel, c'est pareil, quand on va parler de génétique, il va y avoir des gènes qui vont jouer et qui vont produire des hormones, par exemple, et il va y avoir une réaction au fait de produire ces hormones qui va être une réaction en termes de développement de telle ou telle partie du corps, du fait de perdre ses cheveux, etc. La testostérone, ça fait tomber les cheveux, bon, voilà. Et donc, mais ces réactions à l'action d'une hormone, elles sont elles-mêmes dépendantes de gènes. Donc, vous pouvez très bien, tout en gardant les mêmes différences hormonales, avoir des différences sur le dimorphisme sexuel qui se mettent à s'exprimer. Donc, je pense que c'est très difficile de prédire, de dire, voilà, on observe actuellement un certain dimorphisme sexuel. On est dans une société qui a certaines caractéristiques, avec des environnements, avec un environnement qui est ce qu'il est, donc pour nous, occidentaux, avec une culture, avec une nourriture, avec une médecine, etc., qui sont ce qu'ils sont. Il est évident qu'on peut imaginer changer le dimorphisme sexuel à plein de points de vue. Le dimorphisme sexuel, moi, je dis que c'est toutes les différences entre hommes et femmes, hein, y compris les différences de salaire. Bon. Et oui. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que toute l'expression des gènes est toujours dépendante de l'environnement, eh bien, de deux choses, une, ou bien je suis content de la situation. Et je dis, bah, c'est très bien comme ça, ne changeons rien. Voilà. Ou bien je trouve qu'il y a certains dimorphismes, comme les différences de salaire, qu'il faudrait changer, et je peux toujours essayer de changer l'environnement de façon à changer la façon dont ce dimorphisme va s'exprimer dans l'environnement tel qu'il est. Les gens qui disent c'est comme ça parce que c'est naturel sont des gens qui n'ont rien compris. Parce qu'il n'y a rien de naturel là-dedans. De toute façon, l'expression des gènes se fait dans un environnement, et cet environnement chez les humains, il est de toute façon social. Donc les gens qui disent c'est naturel, c'est juste des gens qui veulent pas que ça change et qui trouvent un argument idiot pour dire que ça ne doit pas changer. Mais c'est le point sur lequel je voudrais insister maintenant, c'est dire, voilà, toute différence génétique va donner des résultats très variables. Ça va de la longueur des cheveux au salaire en passant par la vitesse de la course à pied ou le poids. Mais tout ça, ça peut être changé en fonction de l'environnement. À nous de décider ce qui nous convient ou pas et de changer notre environnement social en fonction de ce qu'on veut changer sur ce dimorphisme. Et ça, je pense que c'est très important. Voilà. Alors, une question à tous les trois. Est-ce qu'on constate, par exemple, en paléo-anthropologie ou en ethnologie, des sociétés qui soient des sociétés un peu plus isolées sur une base matriarcale ou polyandre, où on pourrait trouver des dimorphismes atténués, voire inversés, par exemple, Yves Coppens? Je ne suis pas ethnologue, je n'en sais rien, mais tout existe, quoi. Les gens qui ont étudié toutes les sociétés, enfin un certain nombre de sociétés à travers le monde, ont trouvé tous les cas de figure. Et je suis très heureux d'avoir entendu Pierre-Louis Gouillon parler de l'environnement sociétal. Et c'est ce que j'appelais de manière un peu grossière l'environnement culturel. Mais évidemment que ça a un rôle. L'environnement tout court, l'environnement naturel, a un rôle essentiel dans toute l'histoire de l'évolution. Et l'environnement culturel s'y ajoute à partir de 3 millions d'années ou quelque chose de ce genre. Donc c'est extrêmement intéressant. Et en effet, dans l'histoire de l'ethnologie mondiale, on doit trouver tous les cas de figure, sauf qu'il y a quand même des cas qui sont majoritaires par rapport à d'autres. Mais encore une fois, je ne suis pas incompétent, alors c'est difficile de répondre, mais vous avez parlé de polyandrie, en effet ça existe. La polygamie semble être plus fréquente, mais je ne suis pas compétent encore une fois, que la polyandrie, qu'est-ce que ça veut dire, je n'en sais rien, et le patriarcat que le matriarcat, qu'est-ce que ça veut dire, j'en sais rien. Mais c'est aussi une question de tradition, et ça se modèle et se modère aussi et se transforme aussi en fonction de ce que l'on veut, hein, puisque l'environnement fait la descendance finalement. Et cet environnement, une grande partie, est à notre disposition. C'est nous qui modelons la société, puisque l'homme a toute liberté pour agir désormais. Et il en a aussi la responsabilité, et j'y tiens. Donc, je suis un peu empêtré dans mes réponses, parce que je ne suis pas compétent. Et en ce qui concerne la préhistoire, on regarde ça, mais on ne comprend pas grand-chose, quoi. C'est pas simple. Peut-être que la génétique fera des progrès, la paléogénétique fera des progrès, et peut-être qu'on comprendra mieux qui a fait quoi, et comment ça on le sait un peu, et pourquoi. J'ai une chose à vous dire quand même à cet égard. Dans des grottes de Sumatra, des grottes d'Indonésie, il y avait des quantités de traces de mains, d'empreintes de mains, à la fois positives et négatives. Et on s'est demandé, comme on se demande partout, dans toutes les grottes peintes, ou bien les affleurements peints ou gravés, qui a fait ces peintures, qui a fait ces gravures. C'est intéressant à connaître. Moi, je ne trouve pas que ce soit essentiel, mais c'est intéressant. Et donc, il semble que les doigts des hommes et les doigts des femmes n'aient pas tout à fait les mêmes proportions. Autrement dit, sur une main, on peut voir, paraît-il, si c'est une main de femme ou une main d'homme. Et quand on a fait ça en Indonésie, dans ces grottes de Sumatra, on s'est aperçu, c'est un résultat et en même temps un manque de résultat, qu'il y avait autant d'hommes que de femmes, quoi. Alors, qui a fait quoi? Est-ce que ce sont les mains des femmes qu'on a appliquées et que les hommes ont dessinées? Est-ce que c'est l'inverse ou est-ce que ce sont les deux? C'est pas. Donc, pas de conclusion. Sinon, une conclusion intéressante, c'est que là, il n'y a pas du tout de sexe majoritaire dans cette histoire de peinture et de gravure. Alors, c'est assez controversé, hein, mais l'idée, c'est que les hommes ont en général un annulaire plus long que l'index et inversement pour les femmes. Alors, faites la statistique parmi vous pour voir si ça marche. Mais c'est tout à fait controversé. Voilà. On va vous laisser deux petites minutes. Voilà. C'est bon, vous tout le monde a vérifié, vous avez vérifié, votre annulaire, voisine, tout ça. Bon. Voilà. Ok, merci. C'est les travaux pratiques, hein. Bah oui, c'est une classe de science, on fait des TP. Ah ouais, c'est Edith, alors on arrive au bout de cette table ronde. Est-ce qu'on peut dire un mot peut-être aujourd'hui sur une échelle plus courte que l'échelle de l'évolution, sur l'influence des facteurs épigénétiques, sur l'atténuation des caractères dimorphiques entre l'homme et la femme, ou est-ce que c'est compliqué? C'est parce que je peux vous préciser. Vous aimez bien cette question. Parce que, éditeur, vous voyez, il y a une question qu'il ne faut surtout pas me poser, c'est l'influence des facteurs épigénétiques sur les dimorphismes. Donc, évidemment, pour conclure, je vous la pose parce que je suis très pas sympathique. Parce que j'ai pas très de peu réponse. Sympathique. Non, mais bon. Les facteurs épigénétiques sur le dimorphisme sexuel. Bah, tout ce que je peux vous dire, c'est encore venant de mes propres compétences, c'est effectivement le bagage génétique est différent entre hommes et femmes, hein, et l'environnement peut influencer jusqu'à un certain point, même pas tellement, sur ce bagage. On a deux X chez les femmes. Et donc, du coup, effectivement, l'extinction d'un des deux X qui est associée avec des facteurs épigénétiques, ça peut varier. Donc, une des caractéristiques des phénomènes épigénétiques, c'est une certaine variabilité, une certaine réversibilité, métastabilité. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup plus de variabilité chez les femelles qui ont un X inactif et l'autre actif. Cet X inactif, il peut se défaire un petit peu. Donc, il y a des gènes qui peuvent s'exprimer en double dose chez les femmes, alors que dans d'autres femmes, elles sont exprimées en simple dose. Donc, ça, c'est clair que ça peut avoir un impact sur les différences au moins moléculaires. Donc, on a beaucoup parlé de comportement, etc., mais si on regarde moléculairement, qu'est-ce qui se passe dans les cellules d'une femme ou dans les cellules d'un homme? En général, les variations sont un peu plus importantes dans les cellules d'une femme. Donc, ça peut être un avantage ou un désavantage, mais en tout cas, c'est un constat. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, je vais la prendre par un autre angle. Que nous disent, que nous enseignent aujourd'hui des cas très particuliers, comme des enfants qui naissent avec un double X et qui ont des appareils génitaux masculins? Que nous apprennent, par exemple, ce cas particulier que j'ai... Alors, ce n'est pas de l'épigénétique. Mmh. Ça, c'est de la génétique. C'est des gènes. Donc, en fait, un individu qui a deux X et un Y, ça, c'est le syndrome de Klinefelter. Il y a quand même des symptômes qui sont liés à l'effet d'avoir deux X avec peut-être des gènes effectivement qui ont double dose peuvent influencer la manière que ces individus développent. Et des individus qui ont deux X et pas de chromosome Y peuvent avoir donc un gène SRY qui a été transloqué sur le chromosome X. Donc pour moi, ce n'est pas de l'épigénétique. Je suis désolée. Bien sûr, non, mais tout à fait. Il y a ce cas, Pierre-Henri Gouillon, je vous donnais la parole, il y a ce cas intéressant de la ville de Salinas, qui est un village isolé en République dominicaine, où un enfant sur 50 naît avec des organes génitaux féminins avant de développer un pénis à la puberté vers 12 ans. Il a un patrimoine génétique XY. Est-ce que ça nous dit que, encore une fois, sur tout n'est pas qu'une affaire de génétique, Pierre-Henri Gouillon, tout n'est pas lié à ce petit chromosome dégénéré Y qui l'on prête tant de vertus ou de dégénérescence d'ailleurs? Non, mais il peut y avoir des variations d'expression des gènes, et puis il peut y avoir des variations génétiques qui font que les autres gènes ne s'expriment pas de la même façon. C'est ça, s'il y a un village comme ça, probablement il y a là une spécificité génétique qui fait que le chromosome Y, le SRY, ne s'exprime pas. Il faut quand même dire que c'est des gènes aussi sur des autosomes qui influencent le développement de l'appareil génital. Et donc, en fait, on peut avoir des mutations ailleurs dans le génome que sur les chromosomes sexuels qui vont influencer la manière que les gonades vont se former dans des individus. Donc, il peut avoir une mutation dans Et d'ailleurs, réciproquement, je voulais vous dire que les individus qui sont X0, c'est-à-dire un individu qui a un seul chromosome X, eh bien, ressemble à une femme. Ce qu'on voit, c'est une femme, mais quand même, le fait d'avoir un seul X, ça fait que c'est des femmes qui sont stériles, ça s'appelle le syndrome de Turner, et on a dit, alors ça aussi c'est controversé, que selon que l'X qu'elle a vient de son père ou de sa mère, bien que ça soit le même chromosome, ça donne pas le même résultat. parce qu'il y a là des effets épigénétiques qui vont faire qu'un chromosome X qui vient du père ou un chromosome X qui vient de la mère, ça donne pas les mêmes résultats sur plein de choses. On a dit que ça changeait le caractère, etc. Je pense que c'est pas assez avancé pour que je veuille développer ça. Il y a de la vérité là. Absolument. Parce qu'il y a des gènes, effectivement, qui sont soumis à l'empreinte, absolument, ne sont pas exprimés quand ça vient du X paternel, mais donc c'est là qu'on voit qu'il y a des effets épigénétiques indéniables sur les chromosomes X. Ça se voit dans le cas des X0. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Edith Heard, Yves Coppens, Pierre-Henri Gouillon. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde.